épisode de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Gumazo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Dans les studios de RGM, aujourd'hui je reçois Amélie et Gaëlle. Bonjour, comment ça va ? Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Alors Amélie, gérante de Nature House. Gaëlle, diététicienne nutritionniste. Et c'est quoi Nature House ? Donc Nature House c'est une franchise, donc on est deux, donc moi gérante et puis Gaëlle diététicienne. Et donc on est là pour proposer, pour... apprendre aux gens à bien manger. Ça peut être pour une perte de poids ou pour un bien-être, tout simplement. Donc, il y a un suivi et à côté de ça, on a la vente de compléments alimentaires. D'accord. Ils sont là pour aider pour la perte de poids. Et depuis quand elle existe à Remiremont Nature House ? 12 ans. Est-ce que c'est une entreprise nationale ? Je dirais plus internationale parce qu'on y a en Espagne, Belgique, Luxembourg... Allemagne. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre profession à tour de rôle ? Alors, moi, je suis là pour accueillir les gens, pour la prise de rendez-vous, pour les renseignements, pour le suivi. Et c'est moi qui donne les produits, quand Gaëlle a fini son rendez-vous, c'est moi qui donne les produits aux gens. Et quel genre de produits, par exemple ? Donc, les compléments alimentaires, donc qui sont adaptés aux personnes, donc qui sont à base de fruits, plantes et légumes. Et donc, ils sont soit là pour drainer les masses graisseuses, pour la circulation du sang, pour le stress, pour les problèmes de constipation, aussi les ménopauses. C'est vraiment adapté aux personnes, les compléments. Est-ce que vous faites des compléments alimentaires, par exemple le coupe-faim ? Est-ce que c'est efficace ça ? Parce qu'on en trouve en pharmacie, mais je me suis toujours demandé si c'était vraiment efficace ou pas. On a un complément coupe-faim, mais c'est pas ce qu'on utilise le plus. Parce que ça résout pas vraiment le problème. Nous, on est là vraiment pour aider aux personnes à avoir une alimentation équilibrée. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'exercer cette profession ? Moi j'exerçais déjà pour un Nature House en Picardie et comme je suis arrivée dans les Vosges, j'ai voulu continuer avec cette enseigne là. D'accord. J'ai créé mon entreprise. Et vous, Gaëlle ? Diététicienne, ça fait un petit moment déjà que j'y suis. Après, c'est une suite logique. Mais ayant des grands-parents malades. Un problème de poids, problème, faut faire attention à ce qu'on mange, tout ça. J'ai voulu pousser le truc, tout simplement. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre profession ? La diversité. Et vous, Amélie ? Accompagner les gens. Est-ce que vous travaillez seule ou en équipe ? En équipe. Vous avez d'autres personnes qui travaillent pour vous ou pas ? Vous êtes que toutes les deux ? Toutes les deux. Elle se trouve où l'enseigne Nature House ? Zone de la Filature. On est bien entouré, près de Angers. Près du cinéma aussi, du coup. Voilà, exactement. Et depuis quand est-ce que vous travaillez là-bas ? 6 ans. Et vous, Gaëlle ? Avec Amélie ou vraiment à Nature House. Nature House. Ça fera 10 ans. C'est une belle collaboration déjà. Ça fera même 11 ans au mois d'août. Comment est-ce qu'on peut vous contacter pour prendre un rendez-vous ? Par téléphone, par mail ou sur Doctolib. Nous allons faire une première pause avant de parler de votre profession. On vous laisse avec Indochine. On se retrouvera juste après sur Radio Gumazo. Qu'avec toi, comme quelqu'un qui te sera et dont on parlera. Moi je suis né ici pour n'être qu'avec toi. Je serai quelqu'un qui sera, tu verras. Ça, nous irions faire la nuit, aussi loin que tu pourras. Moi je suis né ici pour n'être qu'avec toi. La vie est belle et cruelle à la fois, elle nous ressemble parfois. Moi je suis né pour n'être qu'avec toi. Belle, aussi belle que toi, elle te ressemble parfois. Moi je suis né pour n'être qu'avec toi. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Amélie et Gaëlle. C'est quoi une diététicienne ? C'est une personne qui maîtrise l'alimentation en général, qui adapte l'alimentation à certaines maladies, qui on est obligé de faire attention à ce qu'on mange. Et une nutritionniste ? C'est un médecin qui a fait une démarche d'apprendre la nutrition derrière. Mais à la base, c'est un médecin. Et vous êtes les deux, du coup, vous ? Alors, moi, je suis juste diététicienne. Et moi, non. Je suis juste l'adhérent. J'ai pas le diplôme. Alors, quand j'étais à l'école, on disait que notre poids devait être égal à notre taille. Est-ce que c'est vrai, ça? Pas vraiment, non. C'est juste pour donner une base. Après, dans ce cas-là, on a tous des problèmes. Je sais qu'il existe le surpoids, l'obésité et l'obésité morbide. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots là-dessus ? Le surpoids, en fait, tout simplement, c'est déterminé par deux chiffres, ce qu'on appelle l'IMC, l'indice de masse corporelle. Donc au-dessus de 25, on est considéré en surpoids. Une fois qu'on dépasse 30, on passe en obésité. Et une fois qu'on passe au-dessus de 40, on est en obésité morbide. Et comment est-ce qu'on calcule son IMC ? Le poids divisé par la taille au carré. Ça fait un peu théorème de Pythagore, etc. Mais demandez. Certaines diététiciennes disent qu'il faut varier les menus et d'autres disent qu'on peut manger n'importe quoi, mais en petite quantité. L'intérêt de varier les menus, justement, c'est pour manger un peu ce qu'on veut. Mais après, il faut rester raisonnable, c'est comme tout. On peut pas toujours tout faire ce qu'on veut. Est-ce qu'on peut manger de tout ? Oui, faut s'écouter aussi, faut écouter sa faim, son envie, et pas spécialement se restreindre sur tout. Des fois, on peut écouter son envie et puis que ça soit pas une bonne idée. Voilà. Après, bon, savoir faire des choix aussi. Après, le fait de trop s'interdire, c'est pas bon non plus. En consultation, je donne souvent l'exemple à un enfant. Vous interdisez à un enfant de faire quelque chose et de tourner, il fait quoi? Il le fait. Bon, nous, on est pareil. Quel est le repas le plus important de la journée? Alors, pour moi, c'est le petit-déj. Après, que beaucoup de sautent, d'ailleurs. Et justement, est-ce qu'il est bon de sauter des repas ou pas? Si vous voulez avoir faim derrière, oui. Certaines personnes pensent qu'en sautant des repas, on peut perdre du poids. C'est pire. C'est encore pire, vous allez vous venger sur tout ce que vous allez trouver après, parce que vous avez faim. Est-ce que vous avez des idées de menus nous proposer, que ce soit pour le petit déjeuner ou autre, qui serait idéal pour une personne qui veut stabiliser ou perdre du poids? Déjà, qu'elle réussisse à prendre un petit déjeuner, ce sera déjà pas mal. Déjà, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui mangent pas le matin au petit-déj. Oui. Ne pas sauter de repas, donc déjà prendre un repas du midi correct, un repas du soir un petit peu plus léger, et pourquoi pas une collation dans l'après-midi. Et le matin aussi, c'est ce qu'on dit. Matin. C'est quoi que vous appelez un repas allégé? On va peut-être éviter de manger trop lourd le soir. Par exemple, je vais sortir la fameuse pizza un soir, quoi. Voilà, on va peut-être éviter celle-là. Ou raclette. Ou tartiflette. Il y a certaines personnes qui déjeunent du lait de soja, ce qui paraît c'est mieux que du lait normal, etc., pour perdre du poids. Est-ce que c'est vrai, ça? On peut prendre du poids en mangeant du soja aussi. Hein. Après, c'est au niveau digestibilité, certaines personnes sont plus à l'aise avec le soja, d'autres non. Après, ça dépend de la personne. On n'est pas tous fait pareil. Et du coup, pour le petit déjeuner, est-ce que la pâte à tartiner, est-ce que c'est bon ça pour le petit déjeuner? Avec modération. J'ai vu quelque part que le petit déjeuner idéal, c'est des céréales, un verre de jus d'orange. Après, moi comme j'explique à tout le monde, du moment que vous ayez une petite boisson, un féculent complet avec des fibres, un produit laitier ou un dérivé de produit laitier, ça va. D'accord. On peut agrémenter un peu avec un peu de confiture, du beurre ou quoi que ce soit. Ou même de la pâte à tartiner si vous voulez, ou du miel. Voilà, même du fromage le matin. Il y en a qui mangent du fromage, il y en a qui mangent des œufs. Il faut avoir de tout. Et justement, en parlant des fibres, il y a certaines personnes qui suivent un régime sans fibres. Alors, qu'est-ce qu'elles peuvent manger, elles? Pas grand-chose. Beaucoup de céréales, mais raffinées, c'est-à-dire qu'ils sont sans fibres du tout. Pâte blanche, riz blanc... Très peu de légumes, très peu de fruits, très peu de fruits oléagineux, tout ça. Donc le mieux, c'est de se nourrir d'air et d'eau. Si on pouvait, on le ferait, je crois. Est-ce que le fait de fractionner les repas ou manger en plus petite quantité, ça peut aider à maigrir aussi? Ça peut aider. Est-ce qu'on peut manger entre les repas? Enfin, ça, vous allez me dire que ça dépend de ce qu'on mange. Ça dépend de ce que vous recherchez aussi. Il y a des... Après, un produit laitier, un fruit... C'est pas ça qui va faire que... Mais c'est sûr que si vous arrêtez à la boulangerie du coin, là, oui. C'est pas pareil. Est-ce que les barres de céréales, c'est riche en calories ou pas? C'est très sucré, c'est un petit piège, ça. Parce qu'on croit que c'est des céréales, que c'est bon pour la santé, puis en fait, pas du tout. Il y a plus de sucre qu'autre chose là-dedans. Après, il faut savoir les choisir, quoi. Oui, après, oui. Moi, j'utilise une application où on peut scanner les produits et ça dit s'il y a des additifs... Si c'est trop gras, trop sucré, trop salé. Après, faut regarder dans l'ensemble hein, sur ce genre d'application. Faut pas rester. Si on les écoute, généralement, on mange plus rien, on fait plus rien. Et souvent, sur les aliments, c'est marqué les Nutri-Score. C'est quoi ça? C'est une classification qui permet de cibler, d'identifier un produit au premier regard, qui va vous dire s'il est bon ou pas, tout simplement. Et plus vous avancez, moins c'est bon. Est-ce qu'il existe de la nourriture et des boissons à éviter ou ne pas trop consommer quand on veut perdre du poids? Il y a déjà tout ce qui est boissons sucrées. Allez, j'en cite une, l'alcool, par exemple. Les édulcorants aussi, pris tout seul. Voilà, c'est un petit piège aussi, ça. Oui, et tout ce qui est marqué light, tout ce qui est... faut éviter. Quand ils mettent light, ils enlèvent par exemple du sucre, mais ils ajoutent quelque chose d'autre à la place, donc du fait, vous perdez pas de poids. Ou vous dites juste simplement, ah, c'est plus léger, je peux en prendre plus. Donc les yaourts 0%, c'est bon ou pas? Est-ce que c'est vraiment du 0%, ça? Après, faut savoir ce qu'on entend par 0% de quoi. De sucre, je crois. Par exemple, ils ont plus le droit de le marquer maintenant, du coup. Par contre, ce que vous allez beaucoup trouver maintenant, c'est sans sucre ajouté. Donc ça peut être sympa parce que du coup, vous n'avez pas de sucre en plus de ce qu'il y a normalement. Après, le 0%, ça permet de baisser un petit peu la calorie de l'assiette, mais après, on va le récupérer autre part. Je suivais quelqu'un sur Instagram qui a fait un régime. Lui, il a réduit les sucres blancs. C'est quoi ça? Le sucre blanc, c'est tout ce qu'on va trouver. C'est le sucre de table qu'on trouve chez monsieur et madame tout le monde. Et c'est les sucres qu'ils rajoutent dans tous les petits produits qui n'ont pas lieu d'être. Est-ce que c'est vraiment efficace ce type de régime? Déjà, vous êtes plus dépendant au sucre. Parce qu'à savoir que le sucre, plus on en mange, plus on en a envie. Certaines personnes cuisinent à l'huile d'olive. Est-ce que ça a des vertus sur notre alimentation, ça? Parce que c'est toujours mieux que l'huile classique et le beurre, mais à ce qui paraît, l'huile d'olive, c'est plus sain pour la santé. L'huile d'olive, c'est une des rares huiles qu'on peut mettre en cuisson, déjà, ça, faut le savoir. Comme on va changer d'air, il faut varier un petit peu tout. Mais après, oui, ça apporte ce qu'on appelle des oméga 9, oui, principalement. C'est quoi les oméga 3? Parce qu'on voit ça des fois affiché sur le beurre. C'est les différents acides gras. Et à savoir que les oméga 3, le corps humain, il n'est pas capable de les faire. C'est pour ça qu'il faut les apporter. Qu'est-ce que peut manger une personne qui a des problèmes de cholestérol? Déjà, manger un petit peu plus de légumes, faire attention à son apport en acide gras, justement, animal. Parce que on n'en trouve que chez les animaux. Et favoriser les graisses d'origine végétale. C'est quoi les graisses d'origine végétale? C'est tout ce qui est l'huile, margarine, tout ce qui va être beurre de coco, beurre de cacahuète, voilà. Et le cholestérol, c'est quoi? C'est quand on a trop de gras dans le sang, c'est ça? C'est quand on a trop de cholestérol, justement, pas spécialement du gras, mais quand on a trop de cholestérol, et après, ça provoque... Des maladies cardiovasculaires? Voilà, oui. Une personne diabétique, qu'est-ce qu'elle peut manger? Parce que je sais qu'il y a une phase d'hypoglycémie, d'hyperglycémie, donc c'est pas facile. En fait, l'objectif avec un diabétique, ça va être que son taux de sucre reste stable toute la journée pour que son insuline, justement, travaille le plus efficacement possible. Que du coup, faut manger équilibré, il n'y a pas trop de choix. Et en y limitant les sucres. C'est un peu ce qu'on propose, donc du coup, sur les plans alimentaires. C'est un peu sur quoi on travaille, nous aussi, voilà. Au niveau des plans alimentaires. Est-ce que vous personnalisez des programmes pour les personnes qui font appel à vous? Oui. Et ça se passe comment, ça? Vous les recevez en consultation, elles vous donnent leurs objectifs et vous dites, on fait ça, ça. Alors, déjà, je vais demander pourquoi elle vient de me voir. Ensuite, on va voir un petit peu, on va faire l'historique de son poids, voir un petit peu par quoi elle est passée, déjà ce qu'elle a déjà fait. Parce qu'il faut savoir que bien souvent, il y a déjà eu d'autres tentatives de perte de poids faites avant. Après, on va voir au niveau médical aussi comment ça se passe. Après, du coup, je demande comment la personne s'alimente en règle générale. Et en fonction de ce qu'elle me dit, je vais adapter, moi, ce que je vais lui faire. Ouais. En fonction de ce qu'elle me dit. Alors, du coup, oui, forcément, des fois, c'est radical. Ou des fois, on change pas grand-chose. Est-ce que vous proposez un suivi aussi par la suite, pour voir si la personne, elle suit bien son régime? Alors, on les voit toutes les semaines, durant la phase de suivi, justement. Une fois qu'elles ont atteint leur point objectif, on va commencer à se pincer un petit peu les visites, tout en commençant à remettre des plaisirs, des féculents si on les retire, et puis apprendre à gérer justement l'alimentation générale et les invitations et tout ça. Après, il y a des personnes qui ont une grande addiction aux aliments et qui passent par quelque chose de plus radical, à savoir une opération, la sleeve ou le bypass. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots là-dessus, Gaëlle? Alors, le bypass, c'est une intervention chirurgicale déjà, c'est un parcours à faire avant. Auprès des médecins, il y a tout un panel à faire. Et pour grossir le truc, généralement, on réduit la taille de l'estomac. Voilà, ça permet d'avoir moins d'apport. Du coup, les personnes sont obligées d'aller piocher dans leurs graisses respectives. Et avoir des pertes de poids assez impressionnantes, oui. Est-ce que ça fonctionne toujours, la pose d'un anneau gastrique? Parce que j'avais vu un article comme quoi il s'était plus trop proposé, ça. Alors, c'est plus trop proposé, tout simplement parce que, les résultats sont pas terribles, faut le dire. Après, ça permet juste de réduire l'entrée des aliments. Mais après, la personne, si elle a trouvé la technique de « je mange toutes les 5 minutes », ça sert à pas grand-chose, en fait. Et pour la sleeve, comme là, vous avez une addiction à la nourriture, mais une fois que vous prenez la sleeve, est-ce que c'est radical, vous perdez du poids, ou est-ce qu'il faut continuer de faire attention quand même? Alors la sleeve, en fait, on va retirer tout ce qui est mécanisme, la sensation de faim. Du coup, la personne n'a pas spécialement faim, donc du coup, elle va pas spécialement manger comme avant, comme par habitude, ou juste se nourrir, aux heures et aux besoins, et beaucoup moins en volume. Est-ce qu'elle doit quand même continuer de faire attention à ce qu'elle mange? Dans tous les cas, dans toute tentative de perte de poids, alors que ce soit un bypass, un anneau, une sleeve, un rééquilibrage, un régime ou quoi que ce soit, après, on est obligé de faire attention. D'accord. C'est obligatoire. On n'a pas le choix. Est-ce qu'une personne qui se fait opérer, elle peut reprendre du poids? Oui, un bypass, oui. Et vous les suivez aussi, les personnes-là? Est-ce que, par exemple, c'est elle peut décider de faire le bypass, ou c'est vous qui lui dites aller voir un chirurgien? Généralement, c'est pas à moi de dire ce genre de choses, hein. C'est aux personnes de le faire, leur démarche. Après, c'est plutôt les médecins qui vont envoyer, qui vont prendre ces décisions-là quand même. C'est un peu comme un dernier recours, finalement. C'est un peu la solution de facilité, on peut dire. Moi, je dirais facilité, oui. Parce que maintenant, c'est beaucoup plus accessible qu'il y a 10 ans. Bon, est-ce que vous en recevez des personnes qui ont fait un bypass, vous? Alors, j'ai jamais eu de bypass en suivi. Les fêtes de fin d'année sont réputées pour être assez riches au niveau alimentaire. Qu'est-ce que vous nous conseilleriez, vous, pour éviter de faire trop d'apports en calories? On a tendance à se lâcher pendant les bien fêtes. Choisir son menu, déjà. Ça passe par là. Pas vouloir trop faire trop grand non plus. C'est un peu le défaut qu'on a tous. On a envie de tout faire et puis on a envie de faire plaisir à tout le monde. Donc, manger en petite quantité. Manger, oui. Toute petite quantité et puis. Manger de tout, mais pas forcément en grosse quantité. Et savourer ce qu'on mange aussi. Ce qui me fait rire, entre guillemets, c'est les personnes qui font très très attention avant les fêtes. Et puis après les fêtes, elles se lâchent. Du coup, c'est comme si ça servait à rien, finalement. Ah, ça sert à rien, oui. Je confirme. Est-ce que certains aliments ont des vertus pour certains problèmes de santé? Par exemple, si on a de la rétention d'eau? Oui, il y en a. Je vais citer l'asperge qui va pas tarder à arriver, qui est très diurétique. L'endive aussi, qui permet d'éliminer un petit peu plus aussi. Là, ça va être la fin de la saison. Mais généralement, tous les fruits et légumes sont diurétiques, oui. C'est d'accord. Pour ça que nos compléments sont à base de fruits, plantes et légumes. Est-ce que c'est vrai qu'on doit beaucoup boire aussi quand on fait de la rétention d'eau? Beaucoup, non. Mais boire normalement, entre 1,5 litre et 2 litres par jour, ça sert à rien de boire 4 litres d'eau, vous allez la retenir après. Ouais, juste milieu. Est-ce que c'est vrai qu'il faut éviter d'aller dans les saunas ou toute source de chaleur quand on a cette pathologie? Faut juste pas oublier sa bouteille d'eau. C'est quoi la cellulite, Gaëlle? La cellulite, c'est des petits amas graisseux situés dans des endroits un petit peu disgracieux chez les femmes. C'est des petites boules de graisse et les personnes ont un mal de chair à retirer. Voilà. C'est ce qu'on appelle la peau d'orange, c'est ça? Voilà, tout à fait. Sur les cuisses. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en séparer? Parce que je sais qu'il existe des crèmes, mais il n'y a pas que ça. Alors, il n'y a pas que ça, parce que la crème, elle va juste permettre de... Elle va juste aider à casser la protéine qui englobe la graisse. Mais après, la graisse, elle est toujours là. On l'a juste un peu mieux tartinée, comme on dit. On l'a juste un petit peu étalée, et du coup, faut quand même la faire sortir. Donc, faut quand même faire attention à ce qu'on mange, parce que si on fait pas attention, ça revient. Et malheureusement, les femmes, on est un petit peu plus prédisposées pour ce genre de choses. Je sais que les hommes, ils ont tendance à prendre du ventre. Nous, c'est surtout les hanches et les fesses. Voilà, oui. C'est quoi les antioxydants? C'est des petites molécules qui permettent de neutraliser les déchets qu'on produit tous les jours. Qu'est-ce que vous proposez à une clientèle qui souffre de stress? Que ce soit au niveau nutritionnel ou autre, parce que comme vous faites pas que de la... Justement, on a des plantes justement qui sont adaptées à cela, pour le stress. La mélatonine, c'est pour le sommeil, c'est ça? Pour aider à dormir. La valériane? Oui, la passiflore aussi. C'est que du naturel, la finalement. La fleur d'oranger. Parce que des fois, en pharmacie, on retrouve des traitements, mais qui dit traitement, des fois, dit effet secondaire. Que là, les plantes, c'est peut-être un peu mieux. Il y en a moins, beaucoup moins. Pas du moins, vu que c'est pas pris à haute dose, comme certains traitements qu'on pourrait avoir, comme les anxiolytiques, antidépresseurs ou quoi que ce soit, les plantes mettent plus de temps à agir. Donc c'est pour ça que c'est des cures qui sont assez longues bien souvent quand on les prend, et ça permet de moins avoir, pas ressentir les effets négatifs que certains traitements ont sur l'organisme. C'est quoi le profil d'âge de votre clientèle? Entre 30... 30, 60 à peu près. Voilà. Est-ce que vous avez des hommes des fois? Oui. Des couples même. Ils viennent pourquoi les hommes? Est-ce qu'ils ont des problèmes de poids aussi? Pareil que les femmes. Le ventre, c'est plus ciblé sur le ventre. Est-ce que vous proposez des soins pour les femmes qui sont fraîchement ménopausées? Ça fait partie des plans alimentaires. Des plans alimentaires, des plantes qu'on a et de l'approche alimentaire qu'on va avoir à côté. Hormis la nourriture, est-ce qu'il existe un moyen de perdre ou de stabiliser son poids? Pratiquer une activité physique régulière. Comme dans les pubs. Voilà. Ouais. C'est fortement recommandé, après ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ah, c'est pas non plus une activité non plus extrême, hein. Rien qu'une marche rapide, voilà. Pour ceux qui sont pas aptes, enfin, qui sont pas grands sportifs, ils peuvent y arriver, bien sûr, à faire ce rééquilibrage alimentaire. Nous allons faire deux pauses musicales avant de parler de votre actualité. On vous laisse avec Scorpion et Linkin Park et on se retrouvera juste après sur le 107. I will be there. It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to, didn't even know. Or wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. Try. Keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property. Remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. To me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far, but in the end it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end it doesn't even matter. I put my trust in you just as far I can go. For all this, there's only one thing you should know. I've put my trust. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Amélie et Gaëlle. Merci aux auditeurs qui sont avec nous depuis le début de l'émission et merci à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre via le 107, notre site internet Radioline ou par l'application mobile Les Radios Associatives. Alors Gaëlle et Amélie, on parlait hors antenne des bienfaits et des plats préparés. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots là-dessus ? Non, moi, je suis pas très fan. Bon, après... Ça permet de dépanner, mais faut pas que ça devienne une habitude. Voilà, c'est pas... Le mieux est de cuisiner soi-même. Surtout qu'actuellement, il y a quand même pas mal de choses pour cuisiner oui. facilement, en plus. Avec hein, ça, tout peu ce de la mauvaise foi. En robot, pour le coup. celui qui... Qui dit qu'il sait pas cuisiner, voilà. C'est vraiment qu'il sort de la mauvaise foi. Et des fois, cuisiner soi-même, ça coûte beaucoup moins cher que de prendre les plats préparés aussi. Exactement. Et puis au moins, on sait ce qu'il y a dedans. Ouais, parce que quand vous prenez les pâtes en box, on sait pas trop ce qu'il y a dedans. Oui. Puis j'ai pas très quel goût, ça, pour le coup. Ça peut être particulier, des fois. Des fois, vous avez des box avec, genre, bacon raclette ou... Oui. Autant faire une vraie dans ce cas-là. Hein. C'est quoi les vitamines B6 et B12? Alors, la vitamine B, c'est des vitamines que l'organisme il a besoin, qu'on doit apporter dans l'alimentation et qui servent à absorber d'autres aliments aussi. La vitamine B6, ça aide beaucoup le magnésium, on en entend beaucoup parler en ce moment, qui est un minéraux qui est essentiel, qui nous est essentiel, principalement. Alors, on en parlait aussi hors antenne, Amélie et Gaëlle, vous me parliez du magnésium marin qu'il fallait s'en méfier. Pourquoi alors? On l'absorbe pas tous. tout simplement. Et bah, il y a des, certaines personnes qui l'absorbent, mais c'est pas la majorité des cas. Il y en a, oui, qui vont prendre, mais faut juste faire attention qu'il y ait la vitamine B6 associée au magnésium. Et nous, au magasin, elle est dedans. Et vous proposez quoi, du coup, comme nourriture avec vitamine B6 et magnésium? Du chocolat? Oui, le chocolat, entre autres. Noir. Noir de préférence, on évite le blanc, l'eau au lait. Et à plus de 70%, le cacao noir, sinon ça sert à rien. Oui, donc le chocolat de Pâques, évitez le chocolat au lait. Non, on évite cela. On va pas citer de marque. On les évite tous. Le magnésium, il sert à quoi? Parce que je sais, quand on a des carences, on peut avoir, par exemple, des crampes, de la fatigue. Non, en fait, il va faire circuler les informations correctement au niveau du cerveau, des neurones et tout ça. Et du coup, s'il y a un manque, oui, on peut être un peu plus fatigué, un peu plus stressé, moins bien dormir, le transit qui est pas terrible, des crampes aussi, le muscle qui se contracte tout seul. On sait pas d'où ça vient. Donc voilà, ça peut être des manques de magnésium, oui. Les gens prennent soin des plats préparés parce qu'ils ont la flemme, entre guillemets, de cuisiner. Vous leur proposez quoi, vous, par exemple, comme menu qu'une personne qui sait pas trop cuisiner peut faire elle-même? Bah, moi, souvent, j'essaie de voir déjà, je vois comment ils mangent, et après, en fonction de ce qu'ils me disent et de leur niveau de cuisine, je vais plutôt les orienter vers des produits qui sont faciles à faire. On n'amende pas à avoir fait CAP cuisine ou je sais pas quoi. On a tous notre niveau en cuisine. Bah, après, on va plutôt essayer de leur proposer des solutions qui vont les aider à trouver une façon de faire qui va les accompagner dans leur démarche. Ça passe par là aussi, l'équilibre. Est-ce que vous proposez, par exemple, des sandwichs, on met des crudités dedans, du jambon? On va leur expliquer comment faire, justement, pour qu'ils aient tout. Pour pas qu'il y ait de manque, pour pas qu'il y ait d'oubli, pour que la personne ait tout ce qu'il faut dans son repas, oui. Donc oui, ça m'est dû arriver d'expliquer comment faire un sandwich, oui. Éviter de prendre les sandwichs triangulaires riches en mayonnaise. Ouais, et puis on mastique pas du tout. Il les mange avalé en 10 secondes. Et encore, je pèse mes mots. Puisque quand on prend pas le temps de mastiquer, je crois que l'estomac a plus de mal à évacuer. On lui a pas envoyé la bonne information, donc pour lui, c'est comme s'il était resté vide. C'est comme quand on mâche du chewing-gum, je crois, ce qui paraît, l'estomac, il gargouille, etc. En fait, pour lui, c'est comme s'il se préparait à avoir quelque chose, en fait, vous lui donnez rien. On le nargue, en fait. Voilà, simplement. C'est comme si vous passez devant une petite boutique de jouets avec un enfant, puis vous lui... non, tu regardes, on rentre pas. Puis ça donne de l'aérophagie aussi, je crois. Oui, aussi. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur Escalbeauté, qui est venu sur nos ondes il y a quelques semaines? Est-ce que vous travaillez ensemble? Oui, on a fait un partenariat. Elle est venue sur une journée. Donc, elle a proposé un massage drainant. Donc, comme ça, ça a pu permettre de connaître ce que c'était. Elle a fait des massages sur nos clientes qui voulaient. Comment ça vous est venu l'idée de faire un partenariat avec Stéphanie? C'est Stéphanie qui s'est présentée au magasin. Et puis, tout en discutant... C'était un bon compromis de faire soin et alimentation, tout simplement. Donc, comme l'un ne va pas sans l'autre, on peut dire. Enfin, c'est un complément pour une perte de poids, faire un soin. Vous partagez la clientèle l'une de l'autre, finalement? Oui. C'est du win-win. C'est quoi vos futurs projets avec Nature House à Remiremont? Pourquoi pas continuer le partenariat avec Stéphanie? On aimerait bien faire une journée porte ouverte ou soirée, faire intervenir une autre personne où il y aurait un buffet qui serait proposé. On pourrait montrer qu'un buffet peut être adapté à une alimentation équilibrée. Pourquoi pas des soins, toujours sur le massage qu'elle propose. Est-ce que vous envisagez, par exemple, de participer à des événements pour sensibiliser le public? On a déjà fait. C'était auprès des handicapés. À Gérard, mais c'était un forum. Après, on n'a pas eu l'opportunité, mais après on reste ouvert sur ce sujet, s'il y a besoin. Et est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet et les réseaux sociaux? Oui, sur Facebook, donc Nature House en Remiremont. Et puis sur notre site naturehouse.fr, où on peut faire un calcul d'IMC. Donc la personne peut faire un calcul d'IMC, par exemple elle met son poids, sa taille, et puis après elle voit son calcul d'IMC, puis elle vient vous consulter par la suite. Voilà, si elle veut, il y a un petit questionnaire, et puis si elle veut être contactée ou nous envoyer un message, elle peut. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite à vous et à Nature House ? Plein de kilos en moins. Des clientes heureuses et épanouies ? Oui, qui se sentent bien dans leur peau. Joie et prospérité pour vous aussi. De nouvelles rencontres. Bien sûr, oui. Cette émission est maintenant terminée. Amélie Hegel, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à vous. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et que vous reviendrez nous voir. Avec plaisir. Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle émission d'Autour de vous. En attendant, portez-vous bien. C'était Laura. Bye tout le monde.